Chapitre 2. Masques et visages. Ayant reçu une lettre de Madame Boulanger qui m'invitait à passer quelques jours avec eux au chaume, où se trouvaient déjà Rouletabille et Ivana, je partis pour Deauville. Les chaumes étaient une des plus belles villas du pays, avec une certaine affectation de style rustique qui n'excluait point la magnificence. Les boulangers étaient très riches. Le chirurgien, encore pauvre, mais déjà célèbre par ses premiers travaux, avait épousé Madame Hugon, jeune veuve du vieux monsieur Hugon, qui avait fait une grosse fortune dans les phosphates siciliens. Ce mariage avait permis au praticien de délaisser sa clinique pour se livrer presque exclusivement à ses travaux de laboratoire. Madame Boulanger approchait maintenant de la quarantaine, mais elle montrait encore une grande fraîcheur de visage et elle n'était point sans une certaine coquetterie un peu sévère et qui allait bien à son genre, si j'ose dire. Quel était donc le genre de Madame Boulanger ? Il consistait surtout dans une austère amabilité qui n'était certes point dépourvue de charme pour ceux et pour celles que son mari introduisait à son foyer. Elle savait dépouiller la savante qu'elle était devenue à l'école de son mari, car cette femme, qui n'avait qu'une éducation purement littéraire, s'était mise à la médecine et à la chimie comme une écolière, avait forcé les portes du laboratoire où Roland s'enfermait et était devenue son premier préparateur. Les élèves du maître ne se gênaient point pour dire qu'elle avait sa grande part dans les derniers succès de l'Institut Boulanger, mais de tels propos l'horripilaient et elle fermait impatiemment la bouche aux indiscrets et même à son mari quand on effleurait ce sujet. Elle n'avait d'autre joie que la gloire de Roland, d'autre plaisir que celui de lui être agréable. Elle l'entourait de soins presque maternels. Son égalité d'humeur, qui était parfaite en toutes circonstances, faisait du foyer des boulangers quelque chose de rare. Elle en avait tout le mérite, car ce diable d'homme était doué d'une activité qui se dépensait en tous sens. On me comprendra. Roland Boulanger, qui n'était guère plus âgé que sa femme, avait eu et continuait d'avoir les plus belles aventures du monde. Il ne perdait son temps en rien, chacun savait cela, et Thérèse, c'était le nom de Madame Boulanger, n'ignorait point que son époux menait de pair le travail et le plaisir. Il n'y mettait point toujours de la discrétion. Elle était la première à en sourire, et si elle en souffrait, cela ne se voyait guère. À une allusion un peu trop précise de ses amis qui tentaient de la plaindre, elle répondait « Oh, moi, il y a longtemps que je ne suis plus qu'un pur esprit. J'aime Roland pour son intelligence et pour son grand cœur d'honnête homme. Le reste n'a pas d'importance, c'est des bêtises. » De fait, elle n'était tracassée que de la santé de son mari qui se surmenait trop. L'année précédente, lors de la grande passion de Boulanger pour Théodora Luigi, elle avait été effrayée de l'état de dépérissement rapide dans lequel elle le voyait. Alors là, elle s'était révoltée. « Je veux bien que mon mari s'amuse, » avait-elle dit à Rouletabille, « mais je ne veux pas qu'elle me le tue. » Elle avait été instruite que Théodore était une grande fumeuse d'opium et que son imagination de courtisane savait créer au plaisir des décors fameux mais redoutables. Elle se jeta aux pieds de son mari. « Ça, dit-elle, tu n'as pas le droit, ta santé ne t'appartient pas. Elle appartient à la science, à tous ceux que tu peux sauver. Mon Roland, écoute-moi. » Tu sais que je ne te dis jamais rien, je suis avec toi comme une bonne maman quand son grand enfant fait des frasques. Je détourne la tête, mais regarde ton pauvre visage, tu me fais pleurer. Elle avait été sublime, cette femme, c'était une sainte. Et comme Boulanger n'était ni un misérable ni un sot, il avait compris qu'elle avait raison et il l'avait serrée sur son cœur. Il s'était laissé emmener quelques semaines dans le Midi. Quand Thérèse avait ramené son mari à Paris, Théodora Luigi était partie pour un long voyage avec le prince Henri d'Albany. Roland était sauvé. J'arrivai à Deauville par le train de Midi. Rouletabille était à la gare. Il me donna de bonnes nouvelles de tous. Nous échangeâmes quelques propos sans importance et bientôt l'auto s'arrêtait devant la porte des chaumes. Je fus étonné de voir que personne ne venait au-devant de nous. Rouletabille, en me conduisant à une chambre, me dit qu'on déjeunait très tard à Deauville et que le professeur travaillait jusqu'à 1 heure. « Comment ? Ici aussi ? Mais ta femme ne travaille pas ? Le professeur, Ivana, Madame Boulanger sont enfermés tous les trois avec leur grand rapport sur le dernier état de leurs travaux relatifs à la tuberculose des gallinacées. Charmante villégiature. Eh bien, et toi, tu ne travailles pas ? Non, moi, je m'amuse. À quoi ? À faire des pâtés de sable. On va donc à la mer, à Deauville ? Oui, moi, les enfants et les nourrices. Là-dessus, il me quitta, car il avait quelqu'un à voir qu'il était sûr de rencontrer à la Potinière, à cette heure-ci, où toute la clique du tout Paris s'y écrasait. Quelques instants plus tard, je descendis dans le jardin qui était vaste, avec d'admirables corbeilles de fleurs et de beaux coins d'ombrage. Les domestiques mettaient le couvert sous des arbres, au lointain. Plus près, j'aperçus soudain Madame Boulanger, qui, souriante, venait au-devant de moi. Je m'avançai vers elle en longeant le mur de la villa. Au-dessus de moi, une fenêtre était ouverte et j'entendis distinctement ces mots que prononçait Ivana. « je vous en prie, laissez ma main. Oh, maître, vous êtes insupportable !» Je n'oublierai jamais l'accent de ce « je vous en prie ». Certes, était douce la prière et nullement menaçante. J'étais un peu pâle quand j'abordais Madame Boulanger. Il me paraissait impossible qu'elle n'eût pas entendu. J'avais bien entendu, moi, et Thérèse n'était guère alors plus éloignée que moi de la fenêtre. Mais sans doute me trompais-je, car sa figure ne changea point et elle me souhaita la bienvenue avec un naturel parfait. Ivana et Boulanger ne tardèrent point du reste à se montrer. Il me sembla dès l'abord qu'ils affectaient une correction un peu exagérée, mais cette impression dura peu devant la bonne humeur charmante d'Ivana et l'entrain du professeur. Tous deux marquèrent un grand plaisir de me revoir. Ils ne dissimulaient point que ma présence serait surtout utile à Rouletabille, qui était un peu délaissé. C'est la faute de ce damné rapport et de ces damnées poules qui ne nous ont pas encore livré tous leurs secrets. Mais dans quelques jours, nous en aurons fini avec les paperasses, je l'espère, et alors, quelles randonnées en auto ! Nous tournons le dos à la Potinière et en route pour la Bretagne. Première étape, une omelette chez la mère Poulard. Il rayonnait, cet homme. Il y avait de la flamme dans ses yeux sombres, aux cavités inquiétantes qui donnaient parfois à réfléchir. Certains prétendaient qu'il ne s'était attaqué avec tant d'ardeur au problème de la tuberculose que parce qu'il était atteint lui-même de la terrible maladie. Nous nous mîmes à table. Le déjeuner fut délicieux. Rouletabille était revenu de la Potinière avec les dernières histoires de la nuit. On avait vidé les salles de jeu qu'à 4 heures du matin et les plus enragés s'étaient vengés de l'administration qui les mettait à la porte en emportant les instruments du jazz band et en faisant un tapage d'enfer. C'est dans cet équipage qu'ils étaient arrivés chez Léontine qui avait dû se relever, leur ouvrir la porte de son bar et leur faire à souper. Et là, ils s'étaient remis à jouer un jeu terrible au dé. Le gros Berwick avait forcé un petit reporter, Ramel de Dramatica, à jouer les 5 louis qu'il avait dans sa poche. Vers les 8 heures du matin, le petit Ramel gagnait 25 000 francs. Il en profitait immédiatement pour se commander une soupe à l'oignon. Je rapporte tous ces détails pour que l'on se rende tout de suite compte du ton et de l'air des gens. Dans le moment même que nous nous égayions tous ainsi, apparemment sans arrière-pensée, Roland Boulanger, qui donnait la réplique à Rouletabille, cherchait le pied d'Ivana sous la table. J'en avais la preuve, que les passions impétueuses rendent les hommes enfants et menteurs. Je regardais ce masque enjoué qui, dans le moment même, était tourné sur nous et sur lequel j'apercevais, moi, le vrai visage dionysiaque de Roland. Cet homme commettait en ce moment une action abominable et je crois pouvoir dire qu'il ne s'en doutait pas. Plus j'y pense et plus je crois qu'il faut chercher le trait essentiel de ce caractère dans la naïveté de son égoïsme extrême. Réellement, cette insouciance un peu sauvage, cette violence aristocratique des passions, cette activité de vainqueur souriant, cet individualisme farouche, c'est ce qui m'apparaissait en Roland Boulanger, beaucoup plus que cette âme généreuse d'apôtre et de savant vouée au salut de l'humanité qui paraissait éblouir tant de gogos et cette pauvre Thérèse en particulier. Nous aurons l'occasion de reparler d'Ivana. Et quoi, pensais-je, serais-je seul à m'apercevoir de ce qui se passe? Et faut-il qu'un esprit aussi délié que celui de Rouletabille ne voie rien de ses manœuvres? Et s'il s'en est aperçu, quel est mon rôle ici et que suis-je venu y faire?